scientifique actuelle dont l'influence est de plus en plus grande sur notre existence. Voici réalisé par Paul Castan, l'émission de Paul Sarrey, Actualité. Le progrès et la vie. Rendez-vous à 5. Les années 60, une émission de Philippe Garby et Virginie Mourtet. Aujourd'hui, 1969, quatrième émission. En 1969, on n'a pas oublié 1968 et la contestation. La contestation est partout, jusque dans les tubes de l'année. Appelez-moi chef de rayon, je suis pas d'accord. Ma mère m'a offert ce monde, et moi, je n'en veux pas. Non, non, ce genre de cadeau, c'est bon pour ceux qu'on n'aime pas. Ça sent la poudre et le sang, ça sent la sueur et l'argent. Remboursez-moi, je ne veux pas de ce monde-là. Je ne l'aime pas. Je ne l'aime pas. L'ORTF a créé à la radio, sur France Culture en l'occurrence, une émission pour les jeunes. Sympathique, non? Les jeunes, il faut bien penser à eux, leur donner la parole, quitte à diriger quelque peu leur sujet de préoccupation. Contester, certes, mais aussi construire. Perspective, Francine Mallet, le 4 octobre 1969. L'ORTF a répondu au vœu des jeunes qui désiraient pouvoir écouter cette série. C'était bien naturel de vouloir l'écouter, puisque c'était eux qui faisaient l'émission et c'était pour eux qu'elle était faite. Cette émission leur est consacrée régulièrement et elle est programmée cette année le samedi de 19h15 à 19h45. Moi, je trouve que l'ORTF a marqué ainsi, en choisissant cette heure de grande écoute, a marqué toute l'importance qu'elle attachait aux jeunes. Je ne voudrais pas que de ce fait vous vous sentiez très fiers, mais au contraire que vous sentiez le devoir d'être intéressant pour que les auditeurs ne se disent pas « si c'est ça qu'on nous met un samedi après-midi, alors ». Bon, je vous demande donc de vous consacrer à cette émission comme vos camarades s'y sont consacrés l'année dernière, et que, puisque l'ORTF a reconnu l'intérêt des débats de l'année dernière, elle trouve encore plus grand l'intérêt des débats de cette année. À cette heure du samedi, je crois que les jeunes travailleurs, comme les étudiants, sont libres, et s'ils veulent écouter l'émission, ils pourront le faire. Une autre question se pose. Il y avait l'heure de programmation, mais il y a maintenant les titres de ces émissions qui seront cette année hebdomadaires. L'année dernière, les jeunes, selon leur désir, ont traité dans perspective de bien des sujets et très divers, dont le choix était, je crois, le reflet de leurs préoccupations ou aurait dû l'être, et le reflet aussi de leurs espoirs et de leurs inquiétudes. La lecture des titres qui ont fait l'objet des discussions animées, vous vous rappelez, ô combien animées quelquefois, la lecture de ces titres en montre la diversité. Je ne sais pas si certains d'entre vous se rappellent de toutes les émissions de l'année dernière. Alors, il y a eu d'abord le romantisme, On a étudié Lorenzaccio, Rimbaud, le cinéma, la science-fiction, la poésie, le théâtre, l'art. On s'est demandé si l'individualité était menacée. On a cherché à traiter du racisme, de l'idée d'Europe, de la foi. On s'est demandé si l'esprit scientifique était une nécessité. On a inauguré une nouvelle manière quand on a été visiter les arts décoratifs. Puis on a étudié les loisirs et pêle-mêle l'urbanisme, la pensée orientale, la violence, l'usine idéale, un exemple de socialisation de l'art. Et pour les vacances, on a terminé par la vocation de l'aventure et du voyage. Évidemment, vous aviez proposé beaucoup d'autres titres qui n'ont pas pu être débattus. Et j'aimerais savoir si ceux qui sont là aujourd'hui trouvent bon les titres qui ont été choisis. C'était la destinée, l'espace, l'humanisme, la création à tous les niveaux, l'évasion, l'origine de l'homme, l'enracinement, la crise de la philosophie, la paperasserie, la place du travail dans la vie. Certains voulaient savoir comment on pouvait boucler son budget. L'insertion des étudiants dans le monde du travail, le fanatisme, les questions sociales, le conditionnement, les problèmes de psychanalyse, la publicité, la civilisation de consommation, les moyens d'information, les jeunes et la jeunesse, le monde moins l'Europe, l'Europe dans le monde, l'éducation, l'enseignement, les jeunes, le sport et les jeux, le mariage, la photo, l'art en tant que nécessité. On s'était demandé si la communication était uniquement une question de langage. Puis on m'avait demandé d'essayer d'imaginer avec les jeunes ce que serait une ville en l'an 2000. Beaucoup tenaient à l'anarchisme. J'ai déjà eu des demandes cette année pour savoir quand on traiterait de l'anarchisme. Voilà où nous en étions. Je vais vous demander, vous, comment vous voyez la rentrée de perspective et comment vous aimeriez critiquer ce qu'on a fait l'année dernière. Moi, je suis étonné que les exemples que vous citez au sujet de l'amour soient exempts de sexualité. Vous avez parlé de l'amour des gâteaux à la crème, mais c'est pas l'amour, de l'amour du travail, je regrette. Si, je crois pour moi que le problème de l'amour est très important. Non seulement on parle d'érotisme à tous les niveaux, enfin l'amour avec tout son secteur, je dirais, d'environnement. On parle beaucoup d'érotisme, on parle de sexualité, on en a beaucoup parlé, on en parle encore beaucoup. Et puis d'autre part, je crois quand même que c'est là peut-être la crise. Parce qu'on ne sait plus, aimer peut-être, ou on ne sait pas trouver les moyens d'éducation, et on parle beaucoup de relations parents-enfants, de relations parents-maîtres, ce qu'on appelle pédagogie finalement. Faut bien voir que là-dedans, c'est tous des problèmes, il y a des problèmes très précis, de relations. Alors appelons ça amour, appelons ça comme vous voulez, mais ça me semble être quand même un problème capital, problème de la relation, plus généralement. On en arrive presque à dire que, en somme, si on ne fait pas face à ces problèmes, notamment l'amour, on arrive dans le monde de la névrose. L'homme est névrosé quand il ne fait pas face aux problèmes. Personne ne donne de définition de l'amour. Tout le monde parle de l'amour. Tout à l'heure, tu as demandé, mais de tel genre d'amour, veux-tu parler ? On t'a répondu par, je sais pas, on peut aimer les gâteaux à la crème. Finalement, ce n'est pas une définition. C'est expliquer quelque chose par sa conséquence. Ce n'est pas en donner le contenu. Est-ce que l'amour n'est pas lui-même un mot qui permet de supporter sans s'en apercevoir ces fameuses névroses dont on vient de parler, et qui est creux par lui-même ? Non, moi je crois que l'amour, c'est quand on craint de perdre, c'est tout. On parle d'amour, immédiatement, érotisme, sexualité, donc avec des tas de connotations péjoratives, immédiatement, on essaie de lever le voile pudiquement. Mais c'est pas tellement ça dont il s'agit. Il s'agit d'affronter un problème qui, en définitive, n'a rien de honteux. Et que tout le monde cache, parce que précisément aujourd'hui il est caché par l'érotisme ou bien par la pornographie, etc. Il y a une société qui vit d'une certaine manière ce qu'on appelle l'amour en général. Parce que le mot amour en lui-même, je ne sais pas tellement ce que ça signifie. Ce que je vois, c'est comment il se vit, les problèmes que ça pose, comment on veut le vivre. Ce que je vois, c'est ce qu'on appelle une société de consommation finalement, c'est que plus on en a, comme disent les gens, plus on en veut, que le désir nous pousse toujours plus loin, et ceci dans tous les domaines. Autant dans les domaines de relations, autant dans les domaines de vie conjugale, que dans les domaines aussi peut-être de vie professionnelle et d'intérêt qu'on apporte à son travail. Ça, c'est des formes différentes. Est-ce que l'amour est une affaire de couple? Enfin, est-il encore valable? Est-ce que c'est une notion sociale qu'on peut appliquer? Mais je pense qu'on a tous soulevé les problèmes de l'amour, mais on n'a pas pensé qu'au départ, l'amour, c'était l'amour au sein de l'amour pour autrui. Et on est obligé de se baser sur les temps anciens, notamment l'Évangile. C'est l'amour de Dieu, l'amour du monde, en somme. C'est textuellement comme cela qu'il est enseigné dans la Bible. Et je vais peut-être dériver en me basant sur la religion, mais en réalité, la vraie vocation de l'amour, c'est l'amour du prochain vis-à-vis de la société. Alors comment se fait-il qu'on ait fini par appliquer ce terme à l'acte sexuel, tout simplement? Parce que c'est une image. C'est une convention sous une certaine forme, ça dépend comment il est employé. Pardon, l'acte sexuel n'est pas du tout une image, c'est une forme excellente, certainement, de l'amour. Parce que c'est Moi j'aime beaucoup les images, je suis peintre. Ah pardon, je relevais simplement ça, parce que c'est ça, c'est ma technicité qui parle. J'ai l'impression que nous nous éloignons un petit peu de notre sujet, qui était de parler de la rentrée de perspective. Mais je suis tout de même contente que dans ce premier débat, ce mot d'amour, qui me semble bien un sujet de débat pour des jeunes, ait été prononcé. Nous pourrons très bien consacrer une émission à l'amour sous toutes ses formes. À l'amour sous toutes ses formes. Et à tous les âges, bien sûr. Oui, mais l'air de rien, jour après jour, on vieillit. A priori, cela ne devrait pas inquiéter les encore jeunes gens. L'année précédente, ils manifestaient, certains en 1969, au micro d'Harold Portnoy pour l'émission Ici et Maintenant, expriment surtout un léger spleen, le 68 blues sans doute. Et puis d'autres hésitent entre enthousiasme et désengagement. Ici et maintenant, variation sur le thème du vieillissement. Quel âge avez-vous ? Eh bien, je vais bientôt avoir 18 ans, dans quelques jours, enfin dans 15 jours exactement. Est-ce que le temps qui passe est un thème qui vous préoccupe ou pas ? Oui, c'est un problème qui me préoccupe. D'abord, d'habitude, j'ai une montre, mais là, je ne l'ai pas. Et c'est un cadeau qu'on m'a fait depuis à peu près 2 mois. Et c'est amusant parce que en 2 mois, quand on a une montre, on s'aperçoit que le temps file, file et file. Jusqu'à présent, je n'en avais pas. Et pour moi, le temps ne passait pas. J'ai vécu sans rien faire pendant très longtemps. J'ai eu de nombreux conflits avec mes parents. Je suis parti de chez moi. Et on est parti à l'aventure. On est parti sur les routes. On est parti vivre avec une bande de copains. On s'aimait vraiment, et là, on n'a pas l'impression du temps qui passe, on a l'impression de période, on a quelques souvenirs, on a une ville, on a un petit hôtel miteux, on a quelque chose, mais c'est pas le temps, c'est le souvenir, et le sentiment fait que chez nous, hein, je parle de notre groupe à nous, le sentiment et tout ce qu'il peut y avoir autour, les recherches, il y a beaucoup d'artistes, enfin, soit de jeunes comédiens, des gens qui écrivent, qui peignent, tout ça, qui sont passionnés de musique, et toutes ces choses, comme on se rattache à tout ça, on a l'impression d'une période qui passe, mais pas d'un temps défini. Vous voyez, comme beaucoup de gens, par exemple, un employé de bureau sait qu'il a, au bout de son mois, 100 000 anciens francs, qu'il a, au bout du 12e mois, un mois de congé. Et pour lui, c'est très réglé, vous voyez. Et je crois que je ne suis pas arrivé à cela. Les psychologues, je suis passé devant les psychologues qui m'ont dit « Oui, eh bien, vous êtes ce qu'on appelle un inadapté social. » C'est vrai. S'ils veulent que je sois inadapté social, c'est vrai. à savoir si justement les inadaptés sociaux sont parfois pas des cas vachement intéressants, enfin très intéressants, parce que ce sont des gens qui y vivent. Et combien y en a-t-il? Combien? Il y en a beaucoup, peut-être, même chez des artistes, il y a des gens qui ne vivent pas. Et justement, je crois que l'on peut pardonner tout à un être, mais de ne pas vivre, c'est bête, parce que de vivre... J'ai été obligé de travailler ces derniers temps dans un grand magasin, dans une grande chaîne de magasins. Mais je me suis aperçu qu'il y avait des gens qui gagnaient 55 000 francs par mois, mais qui étaient capables de vivre, qui au-delà de ça ne s'arrêtaient pas à cela. Et quand on parle vivre, passer le temps et tout ça, ça n'a aucun sens pour moi. Et le temps qui passe n'est pas un mot, c'est rien. C'est bien sûr le temps, c'est cette terre qui tourne, et en fonction de quoi? En fonction de tout ce que les hommes ont bien voulu faire, appeler ça jour, appeler ça heure, minute, seconde. Mais il y a une chose laquelle on ne peut pas renier. C'est vivre, et vivre, c'est pas passer le temps. Vivre, c'est vivre le présent. Voilà, c'est les vibrations de son corps, c'est voir une gueule, c'est dire « tu me plais, on se marie pas, on s'en va, on s'aime pas, on a des gosses, on en a pas, on vit, on fait... » Et on prend la vie à grande claque, vous savez. La vie, faut qu'elle claque, il faut qu'elle fasse mal, parce que si elle ne fait pas mal, la vie, eh bien, rien. Enfin, je vous ferai pas de citation, parce que je lis beaucoup, mais pour moi, ce que j'en retire à chaque fois sont les impressions, sont des tâches, vous voyez. La culture, si on l'appelle culture comme ça, je parle très mal, j'ai beaucoup de difficultés pour m'exprimer, pourtant je suis élève comédien, mais j'essaye de parler avec mon cœur en oubliant tout ça autour et en vous parlant sincèrement, puisque vous m'avez demandé de faire ça. Eh bien, je perds le fil de mon idée. Je vais vous demander d'être sincère encore et de me dire si vous ressentez cette même tension chez vos amis. Ah oui, oui. Oh, certainement, oui. Je pourrais vous les présenter, je pourrais vous les amener, ça pourrait faire 20 années d'émission, parce que les tellement souvenirs... Tellement il y en a. Oui, les souvenirs sont des choses, on a... J'ai pour vous dire à quel point on a vécu notre temps. Il y a eu des périodes, il y a eu des échecs, il y a eu des luttes, il y a eu des cris, il y a eu des pleurs, parce que ce sont des gens qui pleurent, des gens qui ont un cœur, qui sont sensibles et qui ne se retiennent pas parce qu'il y a des gens autour, parce qu'il y a tout ça. Ce sont des gens... Et on vit très fermés, oui, j'ai oublié de vous préciser ça. Nous vivons très fermés dans un appartement... Et nous admettons très peu les gens de l'extérieur, une espèce de racisme qui s'installe, vous voyez, racisme pour les gens qui ne sont pas comme nous et qui ne pensent pas comme nous. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, je ne sais pas ce que les gens vont en penser, mais je voudrais dire à tous ces gens, puisque j'ai la possibilité, justement, quel bonheur on peut avoir, essayer justement de déceler en eux. Moi, je me sens pas prophète du tout, parce que je suis profondément égoïste. Il est difficile déjà de s'aimer soi-même, c'est très difficile de pouvoir s'aimer quand on a une rigueur de soi-même, mais je voudrais dire que notre vie, notre expérience est quelque chose de vraiment exceptionnel. Oui, j'ai des chaussures vernies, j'ai un petit pantalon noir, j'ai la gueule d'un minet. Mais ce qui est important, c'est ce qu'il y a à l'intérieur, dedans, je crois. Et ça, je crois, ce qu'il y a dedans, du jour au lendemain, on me dit, mon petit vieux, tu te retrouves sans rien, il faut crever la dalle pour tes amis, pour les gens que tu aimes. Eh bien, je dirais, ok, certainement ok. Il y aura peut-être d'autres problèmes, des choses très profondes pour moi, mes parents. Je sais que ma mère en souffrirait beaucoup, mon père aussi en souffrirait beaucoup. Et mes parents étant assez âgés, fatigués, sont des gens qui ont toujours lutté, travaillé très dur, des gens très simples. Vous m'avez dit que vous ne viviez pas avec eux. Maintenant, il y a eu une période où je n'ai pas vécu avec eux, où ça a été très difficile. Vous voyez, j'étais une espèce de révolutionnaire, ce mot me fait horriblement peur, mais disons, il y avait une renaissance en moi. J'étais plus le petit-fils ouvrier, mais j'étais quelqu'un qui avait compris, qui avait au contact de ces gens, j'ai pris au contact de ces gens leur goût, leur envie. Et au fond de moi-même, il y a eu véritablement la découverte justement de moi et de moi réellement, c'est-à-dire d'un être sensible, et non plus de la sensibilité avec un petit bouquin, de lire « Oh, c'est chouette, la poésie ». Non, d'aller trouver la poésie où elle est, d'aller la trouver dans la misère, dans les choses comme ça, dans des regards, dans des fleurs, dans des gueules, dans des voitures, dans n'importe quoi, dans la griserie peut-être partout, vous voyez. On n'est pas anti-cigarette, on n'est pas anti-consommation, non, du tout. Ça nous dépasse complètement, ça. On peut s'habiller, on aime les beaux habits, on aime ce qui brille, si vous aimez les paillettes ou n'importe quoi, vous pouvez aimer ce que vous voulez. Mais nous, ce qui est important, c'est l'intérieur. C'est pas cette image de fraternité avec deux mains qui se serrent, mais c'est autre chose, c'est une espèce de cœur général qui va ensemble. On est peut-être une dizaine à peu près à faire partager cette expérience, et encore le terme d'expérience ne me plaît pas, parce que là, on a encore l'impression d'être soumis à des gens, expérience, dit, on voit, expérience, on essaye, et là, on n'essaye pas, on est vraiment. Je vais vous demander, ce sera ma dernière question, est-ce que d'une façon ou d'une autre, vous vous intéressez ou non à ce qui se passe à notre époque ? Au point de vue événement, politique... Oui, bien sûr. Bien sûr, il m'arrive de prendre un journal et d'écouter la radio, d'être touché par certaines choses, bien sûr, oui, dernièrement. Alors, est-ce que vous participez ou pas? Ah non, du tout. Aucune participation. aucune participation avec ce qui ne concerne pas. Par exemple, professionnellement, ce qui me concerne le théâtre, je m'y intéresse, tout ce qui se fait, toutes les créations de gens et tout ça. Nous sommes des gens très ouverts à tout ce qui est réelle sensibilité. Mais vous comprenez, le type qui tue ses deux gosses, on s'en fout. On n'en a rien à foutre de tout cela. Du Concorde, c'est merveilleux. C'est un bel oiseau de ferraille, c'est très joli, il s'envole très bien. C'est une image très belle, c'est une très belle esthétique pour les gens qui sont encore des poètes de l'an 2000 et qui font de la poésie avec des machines électroniques. Mais pour nous, c'est pas ça du tout. Non, nous ne participons absolument pas à tout ce qui se fait dans le monde extérieur. Les mouvements sociaux non plus. Alors non, absolument pas, bien sûr. Non, absolument pas question. De tout cela, de l'engagement, du désengagement, des vrais et faux enthousiasmes, du désir de fuir, là-bas fuir, que fait la littérature? Pour l'émission de Roger Vrigny, Littérature, Claude-Michel Cluny chronique un roman. Ce printemps au parking, il faut bien dire un mot du sujet. Oui. Essayer d'expliquer très rapidement ce que Christiane Rochefort a voulu faire et à mon sens a parfaitement réussi car c'est un livre brillant, c'est un livre drôle et Dieu sait s'il y a longtemps que je n'avais pas ri en lisant un roman et cette fois on rit pendant toute la première moitié de Printemps au parking, on rit vraiment. C'est écrit avec beaucoup d'esprit. Et l'histoire est la suivante. Un jour, Christophe, le jeune héros du roman, est assis chez lui, à la table de la salle à manger, avec son père, sa mère et sa sœur. Et le père lui dit « Pousse-toi, tu me gênes, je ne vois pas l'écran de télévision. » Or, la télévision ne fonctionne pas, il n'y a donc rien sur l'écran. Il n'y a rien, dit Christophe. « Pousse-toi, je te dis. » Mais puisqu'il n'y a rien, c'est un ordre, dit le père. Et Christophe, en a ras-le-bol, comme l'on dit, se lève et s'en va de chez lui, et part. Sans d'ailleurs se rendre compte exactement de ce qu'il va chercher. Il va chercher une sorte de Tahiti qu'il trouvera d'ailleurs au coin de la rue, mais pour lui, Tahiti ne représente qu'une coupure par rapport à sa vie de famille dans ces sortes de HLM un peu améliorées d'une banlieue parisienne, qui n'est plus d'ailleurs la banlieue misérable des petits-enfants du siècle, mais qui est une banlieue déjà bourgeoise. Il n'empêche que Christophe, qui reproche à son père d'avoir fait interner sa plus jeune sœur parce qu'elle était un peu arriérée, cette fois, sans même peser les conséquences de son geste par rapport à l'insignifiance de l'incident, part de chez lui. Et Christophe s'en va donc à l'aventure découvrir son Tahiti. Son Tahiti, il va le trouver d'abord au jardin du Luxembourg, où il le lendemain matin sous un beau soleil, il suit une jeune fille qui entre à la bibliothèque Sainte-Geneviève. Or, Christophe est un garçon qui n'a fait que des études relativement limitées, qui est loin d'être bête d'ailleurs, et qui se retrouve brusquement dans le hall de la bibliothèque Sainte-Geneviève sans pouvoir y entrer puisqu'il n'a pas de carte d'étudiant. Deux habitués du lieu passent devant lui en discutent un peu, l'un entre et l'autre va s'en aller, mais laissé sur sa soif par les discussions, il adresse quelques mots à Christophe. Ce garçon, c'est Thomas, c'est un étudiant, et il lui dit, puisque tu ne peux pas entrer, tu n'as pas de carte, tiens, voilà l'une des miennes, je suis étudiant en langues, c'est une carte des langues zoo. Langues zoo, pense Christophe. Les langues zoo. On étudie donc les cris d'animaux. Voilà à peu près le ton des réactions de ce garçon qui prend en fait les choses au pied de la lettre et les mots pour ce qu'ils valent, tout au moins euphoniquement parlant. Et c'est l'une des grandes ressources du livre, c'est tout l'esprit que Christiane Rochefort a su donner à son personnage. Tout va être bâti à partir des mots. Le décor du livre, ce sont les mots. Et la vie de l'un des garçons, Thomas, celui que Christophe vient de rencontrer, c'est également vivre par les mots. C'est un intellectuel de gauche, brillant, intelligent, qui poursuit des études un peu bizarres, et qui ne cesse de se tenir des discours au point d'en encombrer sa vie et de ne pas vivre du tout. Les rapports entre les deux garçons s'établissent donc comme entre deux mondes différents. Pour Christophe, c'est découvrir quelque chose dont il ne soupçonnait même pas l'existence, ces gens qui vivent à partir des mots. Et pour Thomas, brusquement, c'est trouver dans Christophe le garçon qu'il avait rêvé d'être et qui lui révèle qu'on peut être, à l'âge de Christophe, c'est-à-dire à 18 ans ou à 16 ans, encore intact, pas du tout pourri ni gâté par l'éducation qu'on vous donne, par la civilisation que l'on nous fait et par le milieu dans lequel on évolue. Les rapports entre les deux garçons vont se transformer petit à petit. Et Christiane Rochefort, avec un talent remarquable, va nous faire assister à l'éclosion d'un véritable amour, non pas platonique mais platonicien, pourrait-on dire, entre ces deux garçons, sans que jamais rien entre eux ne puisse nous gêner, sans que jamais on soit rebroussé par cette situation, qui n'est sans doute pas nouvelle dans la littérature, mais qui, pour un lecteur peut-être un peu réticent vis-à-vis de ce genre de problème, qui au fond n'en sont pas, mais un peu réticent, ne le gênera absolument pas. Tout est très très bien fait Tout est écrit avec beaucoup de vérité, avec un humour constant, avec une grande sincérité dans l'écriture, et il n'y a jamais rien d'exagéré. On s'aperçoit d'ailleurs que, pour l'un comme pour l'autre, c'est peut-être un accident de parcours dans leur vie sentimentale, mais cet incident de parcours prend toute sa valeur, car il leur permet à tous deux de s'apercevoir qu'ils sont détournés. Évidemment, on peut penser que de la part de Thomas, il y a détournement de mineur vis-à-vis de Christophe, mais au fond, le véritable détournement de mineur, et je pense que c'est l'un des points essentiels que Christiane Rochefort a voulu mettre en valeur dans ce livre, qu'elle a voulu traiter, c'est le fait qu'un garçon comme Christophe, par exemple, la société ne lui laisse pas le droit d'être libre, ne lui laisse pas le droit d'être aimé, encore que, comme nous le raconte joliment Christophe, il puisse donner les preuves de sa possibilité d'aimer. Eh bien, la société détourne les mineurs d'une vie libre, d'une vie que l'on peut se faire sans doute à travers les livres, mais qu'il faut se faire aussi à travers les réalités. Tout le sujet du livre est là, en même temps qu'une satire d'une très grande bourgeoisie conformiste, en même temps qu'une satire des milieux intellectuels de gauche qui est absolument désopilante, et qui fait de ce roman de Christiane Rochefort l'un des meilleurs livres qu'on ait publié cette année, et sans doute le meilleur des siens jusqu'à présent. Il faut dire encore un mot, c'est que le grand mérite de Christiane Rochefort, c'est d'avoir inventé un langage, le langage de Christophe, ce jeune garçon de 16 ans qui sort de son milieu de très petite bourgeoisie. Et qui ne cesse de s'exprimer dans le livre, en fait, n'est-ce pas ? Oui, car c'est lui qui raconte, n'est-ce pas ? Et il raconte non seulement comme il pense les choses, mais également comme il les entend, ce qui produit un dialogue qui est un véritable dialogue de théâtre à l'intérieur du roman, sans que pour autant le roman perde sa cohésion, mais qui ne cesse de nous faire rire par la justesse de son comique et de sa drôlerie, et qui, en même temps, est d'un rafraîchissement constant parce qu'il décape les mots et rend au langage une sorte de verdeur et, aux réalités, une sorte d'apparence nouvelle. En fait, les deux ouvriers de Pirouet qui ravalaient la façade au départ, n'est-ce pas, c'est là un peu Christophe qui est en train de ravaler les mots, qui a ravalé le langage, et de nous faire voir qu'il peut signifier beaucoup d'autres choses que ce que la coutume, par paresse et par habitude, veut qu'on lui fasse dire. Il y a dans ce livre beaucoup d'inventions, beaucoup de vérités, et en même temps une extrême pudeur, car c'est un livre qui va jusqu'au fond des choses, les rapports entre les deux garçons sont très clairs, n'est-ce pas ? Mais on n'est jamais choqué, et il y a même une sorte de poésie qui est tout à fait charmante, et en même temps tout à fait vraie. C'est non seulement un livre drôle, un livre vrai, mais aussi un très beau livre. Extrait de La littérature, émission de Roger Vrigny, avec Claude-Michel Cluny, qui chroniquait le roman de Christiane Rochefort, Printemps au parking, le 21 août 1969, sur France Culture. En 1969, on ne pense qu'à ça. Le 15 novembre, sur France Inter, l'émission de François Jouffa rend compte d'un spectacle théâtral. Bande à part. Dans la série, je ne pense qu'à ça. Nuit et jour, je ne pense qu'à ça. Je lui ai dit, je suis obsédé par l'idée que je suis concerné. Elle m'a dit, je suis concerné par l'idée que vous êtes obsédé. Il a suffi que les magazines écrivent que les rôtissent. C'est un phénomène social de cas très grand problème. Pour que les gens se passionnent pour lui, il n'y a pas que ça dans la vie. Si on en parlait moins, cette mode serait finie. J'écris à la police pour dénoncer ma voisine. Elle est toujours enceinte et elle n'a presque jamais d'enfant. Les hommes me laissent indifférente. Peut-être que je suis un monstre si je n'étais pas si insensible. Pourtant, belle, belle, je suis. Pas une fois, deux fois, trois fois, je lui ai dit je t'aime. Pas une fois, deux fois, tu crois qu'elle se retourne. Pas une fois, deux fois, je t'en fous, il reste comme un piquet. Pas une fois, deux fois, mais pour qui elle se Donc, dans la série, si je pense, c'est que je ne pense qu'à ça, Bande à part est allée au théâtre Gramont à Paris voir la dernière pièce de Confortes et Wolinski, Je ne pense qu'à ça. Par prudence et par sécurité, ayant peur de ne pas tout comprendre, Simon Monceau s'est fait accompagner d'un médecin sexologue. Médecin contre Claude Confortes, metteur en scène de Je ne pense qu'à ça et co-auteur de la pièce avec Wolinski, une consultation qui paraissait nécessaire. Docteur, je ne pense qu'à ça. Qu'en pensez-vous ? Penser qu'à ça, c'est une chose, mais le faire en est une autre. Et le montrer extérieurement, est-ce que c'est si bon que ça, de ne penser qu'à ça ? C'est-à-dire qu'en fait, je ne sais pas si c'est bon, justement. Nous, ce qu'on a voulu présenter dans le spectacle avec Wolinski, c'est que les gens ne pensent qu'à ça parce qu'ils sont conditionnés par on pourrait appeler ça une agression sexuelle qui se manifeste dans la vie quotidienne. Enfin, je pense que le docteur pourra dire un avis très, très pertinent sur la question. Effectivement, les gens sont axés sur ça, ils ne pensent qu'à ça. Et qu'il y a d'ailleurs la première page des grands journaux, des journaux à grand tirage. Oui, mais en fait, penser qu'à ça, personnellement, je trouve que ce n'est pas assez fort. Parce que penser à ça, tout le monde le pense. Comme vous dites, on est conditionné, on a sans arrêt des besoins, aussi bien à la télévision qu'ailleurs, qui se montrent devant nous. Mais je ne sais pas, mais ne penser qu'à ça extérieurement, c'est pas bon. Je ne pense pas que ce soit bon. Ah non, c'est nocif. À tous les points de vue, ne serait-ce que pour la santé, mais sans parler de la santé, même pour l'esprit, puis enfin, il y a quand même autre chose dans la vie, il n'y a pas que ça dans la vie, d'ailleurs on lit dans la pièce. Allô, ne quittez pas. Allô, ne quittez pas, hein. J'écoute. Non, monsieur, il n'est pas là à l'appeler demain. Vous pouvez passer Francfort sur la première, s'il vous plaît, hein. Vous me rappelez, oui. J'ai un sujet de pièce terrible. Ah bon, qu'est-ce que c'est? Une histoire vachement porno. C'est l'histoire d'une bande de jeunes qui rentre dans le bois de Vincennes. Ils traversent le bois de Vincennes. Non, je t'arrête tout de suite. Les histoires de cul, c'est fini. Les culs, ça marche plus. Zéro, les culs, coco, zéro. Et qu'est-ce qui marche, alors? Eh ben, la politique, quoi. Mais ils pensent en ma tête. Dommage, l'érotisme, ça me plaît bien, moi. Faut toujours s'en cycler en ce qu'il a léger. Eh, tu me laisses quand même la pièce cochon que j'analyse, hein. En fait, c'est vrai que c'est pas bon de penser qu'à ça. Et c'est ce qu'on a voulu dénoncer un peu dans ce spectacle. Docteur, est-ce que vous croyez que ces gens qui ont fait cette pièce sont vraiment malades? Malades dans quel sens? Parce que de penser à ça, à ce sujet qui, ma foi, conditionne la vie actuelle, il n'y a pas de problème, de le montrer comme ils l'ont fait dans cette pièce, ma foi, c'est une petite satire qui est très bien faite, mais il y a quand même un certain côté, disons, qui n'est pas assez érotique de la chose. Médicalement, vous croyez que c'est mauvais, docteur, de ne penser qu'à ça ? Médicalement, de ne penser, oui. Parce que ça agit sur le psychisme, ça conditionne, si vous voulez, un certain niveau de l'encéphale, et ça inhibe les autres fonctions, parce que je ne pense qu'à ça, je ne pense qu'à ça, on finit par être inhibé, si vous voulez, c'est le premier tableau, et après les autres glandes, le système nerveux est bloqué, et sur certains hommes, on arrive parfois à certains cas, justement parce qu'ils en veulent trop, où il n'y a plus rien, et chez certaines femmes, elles n'ont que ça, et à la fin, ça fait des cas de frigidité même. Allô, ça y est, je l'ai. Allô, ça y est, je l'ai. Qu'est-ce que c'est? Sharon. Mais quoi, Sharon? Ben Sharon, on dévoile tout, la vérité vraie sur le massacre, plus le côté psychologique, la vie des flics, comment ils ont mis leurs pantoufles le soir après avoir bousillé les mecs. J'ai même la confession du père d'un des flics qui est mort de dégoût quand son fils lui a raconté en soirant ce qu'il avait fait. Formidable, formidable, tiens, plein de cigares de la réussite. Attends deux minutes. Allô, monsieur Arabal, rappelez demain. Allô, merde, on nous a coupé. Tu vas de suite me pendre la pièce, hein, que j'efface les dévis. Mais bien entendu, tu places l'action dans un pays pourri. Amérique du Sud, Kenya, Venezuela, n'importe où, mais pas chez nous. Quoi, tu te dégonfles? Tu as peur de la censure? De la censure? Mais quelle censure? Mais il n'y a pas de censure au théâtre. Mais une histoire pareille en France, Sharon, personne ne croira. Bande à part, je ne pense qu'à ça, de Volinsky. Est-ce que vous ne pensez qu'à ça? Je n'en sais rien, je n'ai pas vu la pièce. Non, mais est-ce que vous ne pensez à ça? Vous pensez à ça ou pas? Non, je n'y pense pas. Et vous, madame, est-ce que vous pensez à ça? Non, monsieur, moi non plus. Vous ne pensez pas du tout à ça? Non. Ça dépend de quoi? Non, mais à ça. À ça, à ça. Mais qu'est-ce que c'est ça? Madame, vous ne voyez pas ce que c'est, ça? Mais non, ça, c'est ce qu'il faudrait savoir. Il faudrait savoir. Qu'est-ce que c'est de ça? Vous savez pas ce que c'est, ça? Ça, ça. Ta définition de ça. Vous savez pas ce que ça veut dire, ça? Dites-le. Ça, enfin... Ça, ça, enfin quoi? Vous ne voyez pas ce que je veux dire? Mais non, donnez-nous des explications. Non, mais vous y pensez ou pas, madame? Mais ça dépend quoi, monsieur? Ça veut dire beaucoup de choses. Mais vous y avez pensé, alors? Peut-être. Ça dépend ce qu'on voulait dire par ça. Il y a... Il y a un petit peu de temps. Un petit temps, bien sûr. Mais vous y pensiez? Oui, on y pensait. Mais vous ne pensiez pas qu'à ça? Autre chose aussi. Et un joli, joli monsieur qui voulait lui monter dessus. Et la dame ne voulait pas. Et le monsieur il voulait, et la dame ne voulait pas. Et il voulait, et elle ne voulait pas. Et le monsieur il voulait, et la dame ne voulait pas. Et il voulait finalement. Elle s'est laissée faire. Si je comprends bien, les gens qui sont sortis de votre spectacle ce soir sont malades ou c'est dangereux pour eux? Ah non, pour moi, ils sont guéris. C'est un spectacle qui guérit, ça, justement. Parce que quand ils arrivaient ici, ils ne pensaient qu'à ça. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils viennent. Et puis, le dernier mot que dit Gérard Creuse dans la pièce, c'est eux, ils pensent qu'à ça, mais moi, je préfère le faire plutôt que le dire. Et on envoie les gens chez eux dans cet esprit-là, quoi. Ben alors là, je suis pas d'accord, parce que le fait de les avoir d'avoir montré un spectacle comme ça devant les gens, ils ne vont peut-être plus que penser à ça. Si vous voulez le faire dire, mais il y avait des choses à côté, je ne pensais pas, j'agissais. Et alors ne vont-ils pas se poser la question inverse, telle que peut-être vous vouliez leur donner une certaine direction, et ça va faire l'effet contraire. Vous ne croyez pas que ça va les, justement les inhiber et ne plus que les faire penser à ça? Moi, j'adore quand il pleut. Je mets mon ciré, et puis mon foulard jaune. Et puis je vais dans la cour des immeubles, et puis je montre mon... Alors, les gens, ils me jettent des sous, et puis, dès que la pluie s'arrête, eh ben je rentre chez moi, les poches pleines de pièces, et puis je mets les sous dans une boîte, pour quand je serai vieille. Même si je prends la peine, Chimène, de t'écrire chaque semaine. quand même. Même si je t'emmène, j'y mène si je t'aime un peu quand même. Puis 1969, ce furent les années des jeunes. En fait, la décennie tout entière semble avoir observé, analysé et redouté ces jeunes. Mais quid des anciens? Et pourquoi ne pas récompenser un cinéaste à Stockholm? C'est à l'ordre du jour et Roger Régent s'en fait l'écho dans Cinéma Vérité le 19 avril 1969 sur France Culture. Nous voudrions dire un mot de cette proposition faite récemment à la Grande Académie suédoise de décerner cette année le prix Nobel de littérature à l'auteur de La Ruée vers l'or. Le professeur Osterling, qui préside le comité du prix Nobel de littérature, a d'ailleurs été saisi d'une autre proposition analogue en faveur d'Ingmar Bergman. Quelle que soit l'admiration que nous avons pour ces deux créateurs de films, et elle est grande, on ne les voit pas très bien prix Nobel de littérature. Assimiler le cinéma à une œuvre écrite est paradoxal. Et malgré la gloire qui rejaillirait sur le cinéma tout entier, ce n'est pas souhaitable pour lui. Le théâtre est à la limite. Que Bernard Shaw, par exemple, l'ait reçu, c'est très bien. Mais un cinéaste, fût-il Chaplin, dont la vocation est de s'exprimer essentiellement par des images et complémentairement par des mots, n'est pas habilité à recevoir la plus haute distinction littéraire du monde. Peu avant la guerre, quelques critiques cinématographiques français avait officiellement demandé le prix Nobel de la paix pour Charles Chaplin. L'Académie suédoise ne donna pas suite à cette suggestion. Elle avait un sens pourtant à la veille de 1939. Ni Chaplin ni Bergman n'obtint le prix Nobel de littérature. A préciser, en 1969, la plupart des films de Chaplin étaient invisibles. Maurice Bessy, toujours dans Cinéma Vérité, s'en faisait l'écho. Vous savez, il y a Chaplin d'un côté, il y a Charlot de l'autre. Il y a ce personnage que nous admirons, ce personnage qui a déposé une bombe dans notre cœur. Et puis il y a Chaplin qui est un monsieur avec ses qualités, ses défauts, avec une personnalité excessivement difficile, excessivement ombrageuse. C'est un solitaire, un misogyne. C'est très difficile parce que j'ai l'impression, chaque fois que l'on veut décrire la personnalité de monsieur Chaplin, on est tenter d'être critique, d'être difficile et d'être un peu cruel. Et ma foi, mieux vaut l'éviter. Et comment expliquez-vous qu'il ait retiré depuis déjà pas mal d'années tous ses films de la circulation, sauf une reprise du cirque à l'occasion précisément de ses 80 ans? Mais j'ai devant les yeux le livre que vous avez écrit avec Robert Floret d'ailleurs sur Chaplin. Et vous écrivez précisément à propos de ce retrait de ses films: le jour est proche où son personnage cessera de vivre. Et vous vous interrogez, quel est le vrai dessein de Chaplin? Oui, ça c'est un problème absolument inexplicable. À part la vieille série des films essanés qui date de 1915 et qui sont des œuvres la plupart mineures, films que Chaplin n'a pas pu racheter, Chaplin a racheté la totalité de ses négatifs. Et si nous voulons voir aujourd'hui Charles le Soldat, c'est impossible. Si nous voulons revoir Le Pèlerin, c'est impossible. Si nous voulons voir L'Opinion publique, c'est impossible. Chaplin a tout stérilisé. Personne n'a le droit de les projeter. Je me demande où sont les négatifs des films de Chaplin. Autrefois, c'était à Hollywood. Sont-ils toujours à Hollywood? Sont-ils dans le coffre-fort d'une banque? Sont-ils en Suisse? Il y a des centaines de négatifs de films. Il y a également toutes les chutes inutilisées de ses films. Il y a même des films inédits de lui, et il y a sûrement un film qu'il a produit, le premier film de Joseph von Sternberg lorsque Sternberg est arrivé aux États-Unis, qui s'appelle La Mouette. Chaplin a payé, produit ce film entièrement, a fait faire une projection dans sa salle de projection au studio en présence de Sternberg. Tout le monde a crié au miracle. Puis le lendemain, Chaplin a dit « c'est merveilleux, c'est très bien ». Le lendemain, on a enfermé le film et jamais personne ne l'a vu. Où est ce film? Probablement avec les autres négatifs de Chaplin. Mais où sont-ils? Que veut-il en faire? C'est le mystère, et c'est un mystère qui nous égratigne le cœur, parce que nous faisons partie d'une génération de gens qui ont adoré Chaplin. Autre film? Un film sort sur les écrans en 1969. Grâce à ce film, on assiste à la naissance d'un couple. Un grand événement cinématographique se prépare pour le 27, c'est la première avec Gainsbourg, tout le monde en parle de slogan, et c'est pourquoi nous avons interviewé son réalisateur et son auteur qui s'appelle Pierre Grimblat. Mon cher Pierre Grimblat, j'ai l'honneur et le plaisir de vous annoncer qu'à dater de ce soir, vous faites partie du club des autistes. C'est un petit club sans prétention et très radiophonique que j'ai fondé. Vous savez ce que c'est que la radio puisque vous y avez débuté. Et que le club des autistes se compose des malheureux parisiens ou des heureux parisiens qui sont à Paris au mois d'août. Mais si vous y êtes, c'est parce que vous finissez, ou plutôt vous avez fini, vous présentez votre film dont je crois tout Paris parlera cet automne, et qui se nomme tout simplement Slogan. Je crois que le slogan de chacun sera « Avez-vous vu Slogan ?» Oh, en tout cas, je l'espère. Ce film est un film sur la publicité, bien entendu. Non, pas du tout. Ce film est un film d'amour. Mais c'est un film d'amour qui se passe dans les milieux de la publicité, puisque mon héros est Serge Gainsbourg et est réalisateur de films de télévision publicitaire. Alors, j'en ai profité pour montrer au public comment se fabriquaient les spots de télévision publicitaire qu'ils voient maintenant sur l'ORTF. Jeanne Berkin. Oui. Est-ce qu'elle a connu, comme on me l'a dit indiscrètement, Serge Gainsbourg dans ce film, grâce à vous d'ailleurs, ou est-ce qu'il se connaissait? Oui, c'est un... Vous savez, l'histoire de Slogan est une histoire tout à fait spéciale et très heureuse, voilà. J'avais fait Sans briques et des tuiles, mon dernier film, qui était avec Briali, Marie Laforêt, qui était un film qui avait bien marché. Et puis, je cherchais à faire quelque chose de nouveau. Et pour la première fois, j'ai voulu faire, la première fois pour moi, une histoire d'amour. Et j'avais envie d'en faire une avec Serge Gainsbourg. Et je cherchais une partenaire qui soit le contraire de ce qu'est Serge Gainsbourg, qui est un être secret, irritant, caustique, ironique. Je voulais lui opposer une femme enfant, une femme fleur, un petit animal tout naturel, plein de grâce. Et j'ai d'abord fait des auditions à Paris. J'ai vu après toutes les jeunes actrices du cinéma français. J'ai pas trouvé. Alors je suis allé à Rome. J'ai vu toutes les jeunes actrices du cinéma romain. Bredouille. Alors je suis allé à Londres. Et là, un de mes amis qui s'appelle Hugh Hudson, qui est directeur de télévision, m'a organisé ce qu'on appelle là-bas un casting. C'est-à-dire, il a convoqué les 40 jeunes actrices du nouveau cinéma anglais. Et Jane Birkin était un nom parmi 40 autres sur cette liste. Je savais qu'elle avait fait une petite chose dans Blow Up, toute petite chose, et qu'elle était redevenue inconnue, qu'elle ne faisait rien depuis 3 ans. Et puis, elle est venue l'avant-dernière de cette liste 40. L'avant-dernière. Et dès que je l'ai vue, j'ai su que c'était la fille de mon film. Elle était absolument inconnue. Donc c'est grâce à vous si votre jeune premier a connu sa jeune première. Oui, mon jeune premier, il est quadragénaire puisque c'est le thème du film. Mais en effet, le lendemain, j'ai amené Jane Birkin à Paris pour faire des essais. Elle y a rencontré Gainsbourg qui, comme à l'accoutumée, a été d'une humeur de dog, lui a peine dit bonjour, s'est mis dans son coin, ne la regardant pas, elle affreusement intimidée, moi essayant de créer un peu de chaleur, puisqu'ils avaient à jouer une scène d'amour devant les caméras, comme essai. Mais en fait, pour ces essais, je dois dire que Jane Birkin a joué toute seule. Parce que Gainsbourg ne l'a absolument pas aidée. Des films sortent et des spectacles s'achèvent. Jean-Jacques Vital, producteur du spectacle, parle de Brel et évoque un spectacle qui, hélas, ne verra pas le jour, mais il ne le sait pas. Et voici La vie à Paris, un magazine de Claude Archambault. Aujourd'hui, au Théâtre des Champs-Élysées, la dernière représentation de L'homme de la Mancha. Écoute-moi, pauvre monde, insupportable monde, c'en est trop, tu es tombé trop bas. tu es trop gris, tu es trop laid, abominable monde. Écoute-moi, un chevalier te défie. Oui, c'est moi, Don Quixote, seigneur de la Manche, pour toujours au service de l'honneur. Car j'ai l'honneur d'être moi, Don Quixote sans peur, et le vent de l'histoire chante en moi. Il aime les risques, il fait de l'avion sur un petit zingue, il fait de l'acrobatie sur son petit zingue, il voudrait faire du sous-marin, il voudrait faire n'importe quoi. Il aime les risques, il aime l'aventure, du reste, il est allé d'une apothéose à l'autre, il a terminé le tour de champ merveilleusement, comme vous le savez, et puis un jour, il a dit, on va monter l'homme de la Mancha. Il y a réussi parfaitement, il a été sublime. Par conséquent, c'est un homme qui a des ressources extraordinaires derrière lui, et c'est un homme qui a des ressources extraordinaires dans son avenir, indiscutablement, qu'il les emploie bien, ces ressources. Vous, vous employez bien les vôtres également. Je me trompe aussi, comme tous les petits camarades. C'est un métier qui n'est pas facile, voyez-vous, et le théâtre est devenu à Paris une chose impossible. Pensez que l'homme de la Mancha n'a pas rapporté l'argent. Nous avons fait une moyenne de 3 700 000 francs par représentation. C'est hallucinant, au fond. Si on disait, il faut 3 700 000 francs tous les soirs dans les caisses pour sauver l'affaire, mais c'est ahurissant. Et si M. Brel m'avait dit, je m'arrêterai quand bon me semblera, et non pas à expiration du succès, j'aurais pas monté cette histoire-là. Maintenant, disons-le. Vous comprenez, tout d'un coup, Brel a dit, c'est terminé. J'ai été content. C'est quand même un peu extraordinaire. Mais il est indiscutable que pour des raisons purement personnelles, il a abandonné toute une troupe dans un spectacle qui ne demandait qu'à se prolonger très, très, très longtemps. Voilà où nous en sommes, à la 125e représentation à Paris. Jean-Jacques Vital, maintenant, est-ce que vous allez pouvoir faire autre chose qui sera encore mieux que l'homme de la Mancha, parce qu'il faut se dépasser? Alors, je vais vous dire, je vais monter des comédies musicales françaises, avec des Français qui font peut-être aussi bien que les Américains sur la distance. J'ai appris énormément. J'ai appris en 6 mois plus qu'en 10 ans. Hein ? Là, je dois dire que sur le plan de l'expérience, quelle merveilleuse leçon. Leçon d'abord professionnelle. Ce sont de vrais professionnels. À votre âge ? Oui, oui, ben, trop tard. Ce sont de vrais professionnels. Et puis, ce sont des gens intransigeants. Il faut l'être. En France, on a tendance à vouloir tout de même être gentil. On est tous copains dans le métier, ou tout au moins on en donne l'impression. Mais finalement, et à la sortie, on finit tous par être à peu près gentils. En Amérique, ils sont intraitables. C'est comme ça qu'ils travaillent, c'est une formule appréciable, mais qui ne convient pas à notre tempérament latin. On n'a plus de gentillesse, de souplesse, de cœur. Alors là, ils n'en ont absolument pas. On ne peut pas travailler avec ces gens-là. Je remonterai des comédies musicales. J'en ai une en vue qui me plaît beaucoup. Il y a un garçon qui m'a fait entendre une partition merveilleuse qui s'appelle De Brancarte, un jeune compositeur, chanteur. Dont on a parlé plusieurs fois. Je crois même qu'il a eu des prix à l'Académie Charles Cros. Oui. Et il a écrit une partition pour une comédie musicale qui s'appellerait Capitaine Fracasse et que j'ai trouvé remarquable. Et je vais tout faire pour la lui monter. Et vous prenez des risques. Bien sûr. Parce que c'est un jeune. Bien sûr qu'on prend des risques. Et puis, on ne peut pas mettre de vedettes dans un spectacle comme celui-là. Donc, on prend de doubles risques. Mais au moins, on a la satisfaction de les prendre parce qu'on veut tout d'un coup créer quelque chose en France. Bon, on a prouvé qu'on pouvait créer la comédie musicale, puisque aussi bien jusqu'à présent, ce furent des échecs. Mais maintenant, il faut prouver qu'on peut monter la comédie musicale française. Et en dehors des grandes vedettes connues. C'est ce que nous disait d'ailleurs Robert Manuel hier. Bon, je suis en train de monter une comédie tout court, avec peut-être, enfin sûrement pour un, peut-être pour l'autre, Bourvil et de Funès. Bourvil attend depuis longtemps qu'on lui donne un bon spectacle. Il a sa pièce, c'est Francis Weber précisément. Nous avions rencontré au moment de la sortie de l'enlèvement. C'est ça, alors Francis Weber a fait l'immense progrès, parce qu'il s'est réalisé. C'est normal. Non, c'est pas toujours normal, la deuxième pièce risque d'être un écueil pour celui qui a réussi à peu près sa première. Mais là, c'est un garçon intelligent. Il a compris qu'avant tout, il fallait conter une histoire. Il s'est acharné à bâtir son histoire. Elle est originale. Elle est intelligente. S'il a ces deux interprètes-là, qui semblent tous les deux vouloir la jouer, mais ça ne veut rien dire. Vous connaissez ce métier. Mais Anselme Bourvil, lui, il n'y a pas de problème. Louis de Funès, on en parle en ce moment. Voyez-vous. Là, ça m'amuse, parce que tout de même, ce sont deux grands champions de leur métier. Et vous, ils sont plus tout jeunes non plus. Mais en tout cas, ce sont deux petits monstres. Et ce sont deux monstres qui cherchent à se renouveler, qui ne se sont pas enfermés dans un personnage, et qui sont tristes justement quand on leur donne un film où ils le répètent le même rôle. Bien sûr, et là, tout d'un coup, on a, je pense, trouvé quelque chose. Et quand on est acteur, il faut bien vivre. Bien sûr, évidemment, quand on est n'importe quoi, il faut bien vivre. Un bon programme pour la rentrée, alors? Allez donc savoir, moi je sais plus. Regarde dans le miroir de la réalité, regarde! Te vois-tu, Don Quixote, rien qu'un vieux fou? Regarde! Regarde! Non, Don Quixote, plonge dans ce miroir! Viens te noyer en lui! Il est l'heure de couler, la mascarade est terminée! Avoue que ton rêve est que le cauchemar de l'esprit qui s'égare! Je suis Don Quixote, chevalier errant de la Mancha, et ma noble dame est dame Dulcinea. Je suis Don Quixote, chevalier errant Dulcinea. Une pièce de théâtre de Francis Weber avec De Funès et Bourvil. Hélas, tous les espoirs de l'année ne se sont pas réalisés. Je me souviens, moi, de ce musicien. C'était l'automne à la maison. Je me souviens, moi, de ce musicien. C'était l'automne sur son violon. Le temps n'est plus où passaient les violons. Quand tu étais dans la maison, il attend plus depuis tant de saisons. Le temps n'est plus au violon. Dans ma maison ville, dans ma chambre ville, je passe l'été à écouter cette symphonie qui était si belle et qui me rappelle un amour fini. Moi, dans ma maison ville, dans la chambre ville, je passe l'été à regarder les oiseaux qui passent comme des menaces et j'entends le tonnerre, je n'attends personne. Moi de ce musicien, un soir d'adieu à la maison. Je me souviens, moi de ce musicien, et de l'adieu sur son violon. Et chaque année, lorsque l'année finit, j'entends le violon de septembre, et le passé comme une symphonie fait son entrée dans cette chambre. Je passe la nuit à écouter cette symphonie aujourd'hui finie et qui me rappelle que tu étais belle. Moi, dans la maison vide, dans la chambre vide, je passe ma vie à regarder les oiseaux qui passent comme des menaces. Et j'entends le tonnerre, je n'attends personne. C'était les années 60, 1969, quatrième émission. Une émission de Philippe Garbi, document INA Annie Lozana, réalisation Virginie Mourtet. À télécharger, ainsi que les précédents rendez-vous de la série, sur le site franceculture.fr, à la rubrique de l'émission. 60 000. Et son Gainsbourg vont rejoindre Paris. Ils ont laissé derrière eux la Tamise et Chelsea. Ils s'aiment et la traversée durera toute une année. Et que les dieux